Lentement, nous avons repris la piste à travers le désert. Je subissais une telle dépression nerveuse que la mort du troisième ouvrier, survenue le matin du départ, ne m'impressionna même plus. Des jours monotones coulèrent, le départ à l'aube, la halte à 11 heures, la sieste, la seconde étape jusqu'à la nuit. Le paysage se déroulait toujours pareil le long de la haute barrière du Khorokhtag, dont parfois il fallait franchir quelques croupes avancées, des plaines de cailloux roulés, des dunes où seules vivaient les touffes grises des Sagzaouls, la surface blanche d'un choc miroitant au milieu des sables, et pour tout incident la traversée des Ouèdes, où des roseaux desséchés cherchaient en vain un peu d'eau oubliée. Nous avions fini par prendre notre parti du désastre. Je suivais des yeux le chameau qui portait mon bouddha, et chaque matin je surveillais l'arrimage des caisses entre ses bosses, et je savais que Duncan emportait un lot des parchemins les plus précieux qu'il avait cachés dans ses valises. Chaque soir, au fur et à mesure des trouvailles, il négligeait de dormir pour les étudier. Sa lampe, dont le rayon filtrait sous sa tente, ne s'éteignait souvent qu'aux approches de l'aube. Une nuit, je fus réveillé en sursaut. Clarence était devant moi. Le clair de lune, qui fluait par l'ouverture des toiles, me le montra tout habillé, plus blanc que sa chemise, et les yeux tellement brillants qu'ils me semblèrent éclairer son visage. Ses lèvres remuaient, et au premier moment, je ne compris pas ce qu'il disait, tant son intonation était étrange, à la fois mate et exaltée, comme si quelqu'un d'autre eût parlé en lui. « Celui qui voit, celui qui voit !» Duncan, ce regard ébloui qui ne m'apercevait pas, cette expression d'extase, cette allure d'automate, il redit avec un subit accent de triomphe « Celui qui voit, celui qui voit !»« Duncan, vous rêvez, vous devenez somnambule !» Il eut un tressaillement, regarda autour de lui comme s'il s'éveillait, identifia la tente et se souvint. Alors, retrouvant son timbre naturel, il murmura « Oui, je rêvais ». Il grelottait en dépit de la chaleur. Je pris sa main, elle me brûla. « Duncan, vous avez la fièvre. Vous travaillez trop, des nuits entières. Ce n'est pas raisonnable. » « Oui, la fièvre, » répéta-t-il. « Vous avez raison, my dear friend. » Je le suivis dans sa tente, l'aidai à se déshabiller, lui apportait un peu d'eau sucrée. Il me remerciait en souriant, promit qu'il allait dormir. Le lendemain, il avait un masque tiré, des yeux agrandis par un cerne bleuâtre, mais il assura qu'il allait tout à fait bien et ne fit aucune allusion à son rêve. Cependant, il n'était plus le même. Il passait par des alternatives d'anxiété morose et de joie démesurée. Je l'entendais rire, enfermé dans sa tente. Il semblait en proie à une sorte d'ivresse. Il prononçait des mots sans suite qu'il essayait plus tard de faire oublier. Quelquefois, il parlait d'André, d'un grand bonheur qu'il voulait lui apporter. Dès que je le questionnais, il s'enfermait dans un silence presque farouche. Un soir, après 2 jours de mutisme, il appela le boy auprès de lui. « Ta vieille maman habite-t-elle toujours Sutton ?»« Oui, my lord. Quand je reviendrai en Angleterre, je lui ferai un beau présent. » pour lui témoigner combien j'ai été content de tes services, de ton dévouement. Étonné, je regardais Clarence. « Oh, merci, my lord. Dis-moi ce qui lui ferait plaisir. Un joli cottage, avec un jardin. Oh, my lord !» Le garçon, devenu pourpre, ne trouvait plus ses mots. Il suffoquait sous le coup d'un bonheur trop grand. « C'est tout son rêve, my lord. Eh bien, elle aura son cottage. » Et c'est toi qui le lui donneras. » L'accent fraternel mit des larmes dans les yeux bleus de l'adolescent. « Et je lui dirai comme tu l'aimes, ta maman, mon brave petit gosse, » acheva Lord Clarence en lui passant doucement la main dans les cheveux. « Dieu vous bénisse, my lord, » murmura l'enfant. Ce fut la dernière nuit que le boy devait dormir sur la terre, une belle nuit peuplée de rêves où flottait la figure heureuse de sa maman. À l'aube, on le trouva couché comme d'habitude devant la tente de Lord Clarence. Il avait les yeux fermés, un sourire sur ses lèvres blanches. Il était mort. Je ne pus dominer un mouvement de terreur stupéfaite. Duncan manifesta une grande tristesse, mais à travers mon désarroi, je sentis qu'il n'éprouvait aucune surprise. On eût dit qu'il s'y attendait. On enterra ce corps d'enfant dans une fosse de sable au pied d'une roche, et Duncan fit entasser sur lui de grosses pierres pour qu'il ne fût pas déterré par le tigre. « Pierre, dit Clarence, en poussant son cheval près du mien, ce vieux Tibétain est un fanatique. Il veut nous supprimer tous, oui, tous ceux qui sont entrés dans la grotte. Demain, ce sera notre tour, si nous n'y prenons garde. C'est mon avis. » J'étais d'autant plus calme en apparence que ces soupçons m'étaient déjà venus. Mais je pensais que l'incendie des parchemins avait suffi aux scrupules religieux du vieux chef. La mort du boy ranimait mon inquiétude. « Il faut ne plus nous quitter d'un pas, Holdchep, et avoir toujours nos revolvers à portée de la main. La nuit, vous ferez semblant de vous coucher dans votre tente, et puis, par-dessous l'étoile, nous tirerons votre lit, et l'un dormira tandis que l'autre veillera. » Il avait recouvré la pleine maîtrise de lui-même, son jugement, sa froide raison. À son accent si grave, je sentis qu'il possédait une certitude. « Nous préparons nous-mêmes nos repas, poursuivit-il, et nous ne quitterons pas un instant des yeux notre marmite et notre bouilloire. Nous avons suivi ce programme exactement. Les automobiles envoyées de Kashgar ne devaient pas venir à notre rencontre au-delà de Kutcha. Le vieux chef nous déclara un beau matin que la piste de Kourla avait cessé d'être sûre. Des bandits l'infestaient. Mieux valait contourner au nord le grand chot de Bagrashkul, franchir la chaîne de Chaïdou et par l'école descendre sur Kutcha. Voulait-il éviter Kourla, ce chapelet d'oasis qui abrite 55 villages sous ses verdures magnifiques, où je languissais de trouver enfin de l'ombre et du repos? Projetait-il de nous faire assassiner par quelques bandes postées d'avance au fond de ses gorges, qui lui épargneraient les représailles du maire de Hami? Au bout de protestations et d'arguments, nous avons dû céder, et nous nous sommes engagés dans la montagne. Il fallut gravir des croupes interminables, descendre l'autre versant, monter encore, et les pentes de cailloux, les rochers délités, les âpres replis qui nous enfermaient étaient à tel point semblables qu'il nous semblait recommencer de gravir toujours le même sommet maléfique. Ce jour-là, notre caravane s'égrenait sur une corniche qui surplombait le vide. Nous étions prêts d'atteindre le col. Je marchais en tête, derrière le vieux chef, la main sur mon revolver. En me retournant, je vis que Duncan avait mis pied à terre et qu'il jetait la bride au cou de son cheval. Un détour de la corniche le déroba quelques minutes. Ensuite, je l'aperçus, immobile, appuyé au rocher, attendant la suite de la caravane qui arrivait lentement avec les bagages. Un instant plus tard, sans cesser d'avancer, je me retournai de nouveau. Le chameau qui portait les caisses du Bouddha passait devant lui, et lorsque brusquement Clarence empoigna l'animal par l'épaisse toison de laine pendante, je pensai que mon ami voulait vérifier les sangles, et je lui fus reconnaissant de cette sollicitude. Soudain, je demeurai béant, ne comprenant plus. Duncan, arc-bouté contre la paroi, luttait avec la bête terrifiée, la faisait reculer tout au bord de l'abîme. Elle résistait, tendait la tête, cherchait du secours. Elle essaya de prendre un élan pour rattraper son équilibre. Déjà Duncan l'avait maîtrisée et la poussait au précipice. Je vis le chameau trébucher, battant le vide de ses pattes de derrière, s'effondrer, disparaître. Je criai stupidement « Mais faites donc attention à mes caisses !» Ma voix se cassa dans ma gorge. Alors je sautai de cheval et me mis à courir pour rejoindre Clarence. Je devais avoir une figure hagarde et effrayante, car il recula d'un pas. « Quoi ? Vous avez fait cela ?»« Ne voyez-vous pas qu'il faut avant tout sauver nos vies » prononça-t-il rudement. « Est-ce que par hasard vous vous figurez que le vieux ne sait pas ce qu'il y a dans vos caisses ? Notre seule chance de salut, je l'ai couru. Je le regardais au fond des yeux, dans un éclair, je sentis qu'il ne me disait pas la vérité. Alors je m'abandonnai à ma désolation, je me penchai sur le vide, espérant encore. Mes yeux ne saisirent que la pente à pic, le gouffre de pierre où la bête avec sa charge s'était écrasée. Je me redressai en face de Clarence, impassible. Il me semblait qu'à cette minute-là, je le haïssais. « Allons, mon vieux, soyez raisonnable, » dit-il doucement. Je lui jetai au visage tout ce que me dictait ma colère indignée, ma déception, ma douleur. À bout de souffle et d'invectives, je répétais, et je n'ai même pas pris le temps de le photographier. « Avez-vous besoin d'une photographie ? » murmura-t-il. « J'ai toujours devant moi son visage, vivant, vivant !» Le déroulement fastidieux de ces plis de rochers, les montées, les descentes, les précipices, le soleil miroitant sur ces calcaires, le ressentiment, le chagrin, la fatigue, un malaise grandissant où tous ces éléments se mêlaient, et puis la nuit sans sommeil, tandis que je veillais sur Clarence endormie, à qui j'aurais voulu donner des coups. Une nuit sans lune, ma lanterne de poche éclairait un pan de la tente. Tout à coup, je vis ce pan se soulever imperceptiblement. Une face jaune s'insinua. J'aperçus les yeux plissés, la barbe rare du vieux chef et sa main qui tenait une lame brillante. Ses yeux, une seconde, se plantèrent dans les miens, effarés de me trouver auprès de Clarence. C'est alors que je fis feu. J'entendis un râle bref. Duncan, déjà debout, sa lampe à la main, soulevait la toile et se penchait sur le crâne ouvert du Tibétain. La silhouette de l'autre vieillard s'évanouissait dans l'ombre. Duncan lui jeta un mot de terrible menace. Alors, tourné vers moi, il demanda « N'avais-je pas raison ?» J'ai répondu en dérobant mon visage « Pourquoi n'avoir pas attendu un jour seulement ? Le Bouddha était sauvé !» Le surlendemain, nous arrivions à Kutcha, où les automobiles nous attendaient.